بسم الله الرحمن الرحيم. وندخل في الدرس التاسع ان شاء الله. Beaucoup, on les a fait ensemble. Hein. Tous ? Presque, presque. Chalet, tu rattraperas avec Abdelkader le 7 et le 8. Ouais, moi je pense que c'est bon, moi je vais faire. Donc, Derf Tassir, Alif, première partie. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce qui s'appelle As-Sifa. Vous voyez, As-Sifa, ce que eux, ils disent, l'adjectif qualificatif. Et un attribut. Tu décris une chose par une chose. En parlant du A. Nam. Ça y est. Et As-Sifa, il suit El Moussouf. Le Moussouf, c'est celui qui est décrit, la chose qui est décrite, la chose qui est qualifiée. Ça y est. En arabe, il le suit dans tout, dans son genre, dans son nombre et dans son irab. Et dans, s'il est ma'alifa, il sera ma'alifa comme lui. S'il est nakira, il sera nakira comme lui. Il prend exactement la même chose que lui. Vous voyez ? Par exemple, tu dis Haza Rajulun Kabirun. Haza, ça va être l'umtada. Rajulun, ça va être Khabar. Et Kabirun, ça va être quoi ? Ça va être Sifa de Rajul. C'est-à-dire, en fait, ceci est un homme grand. C'est un homme grand. Moi, il m'a mis Nar. Nah. Ah, tu peux dire Nart ou Sifa, les deux c'est, le même, c'est la même chose. Les deux c'est la même chose, Nart ou Sifa. Nart ou Sifa. Donc regarde bien. Rajulun, il est quoi, il est Nakira ou Ma'alifa? Rajulun. Nam. Rajulun. Nam. Il est Nakira. Nam. Kabirun. Ma'alifa ou Nakira? Nakira. Pareil que lui. Rajulun, il est Marfou ou quoi? Rajulun. Ouais. Le deuxième. Nam. Il est Marfou ou? Hada Rajulun Kabirun. Hada Rajulun, Rajulun, il est Marfou. Il est Marfou. Kabirun, il est Marfou, Mislehu. Ouais, ouais. Voyez Rajulun, Muzakkar ou Mouannas? Rajulun, Muzakkar. Kabirun, Muzakkar. Ouais. Il le suit dans tout. Et il vient après lui. Voyez, il vient après lui. Oh, à l'écran. Donc il vient après lui. Salam alaikum. Toujours il vient après. Voyez, il vient toujours après lui. Après, il dit, donc après, il fait le nos, il dit, Man hada ar-rajulu. Kale wa abbasun. Abbasun tajir. Abbasun tajirun aniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hada, hada tuffahun. A tuffahu fakihatun laziza. Donc, il le suit, lui aussi, il est toujours marfois. Non, il suit dans, s'il ouais, est mansoub, il sera mansoub. Ouais, et s'il est majeur, il sera majeur. Non. ما ذلك ذلك عصفور العصفور طائر صغير العربية لغة سهلة العربية لغة جميلة عمار طالب مجتهد ومحمود طالب كسلان من أنت؟ أنا طالب أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. Donc là il va citer des exemples de Sifa, de Na'at, par exemple. Au début, il dit Man hada ar-rajulu, qui est cet homme? Voyez, qui est cet homme? Huwa Abbasun, c'est Abbas. Abbasun tajirun. Abbas, c'est un commerçant. Voyez, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Là, le shahid, il est là, les frères. Ghaniyun. Qui l'a vu kitab? Abbasun tajirun ghaniyun. Là, le shahid, il est là, c'est ghaniyun. Vous voyez, ghani. Shahid. Aïe, shahid. La partie qui nous intéresse. Où ça, il y a ghaniyun. Ghaniyun. Là. Tu parles d'où? Quatrième phrase. Quatrième phrase où? Ikhra wa tub. Là, on a depuis Derf Tassir. Nos. Ah. On est revenu au début du nos. Il a pas le même que nous. Ah, Abbasun Tajirun Ghaniyun. Non. Le Shahid là, c'est Ghaniyun. Le Shahid. Ce qui nous intéresse là-dedans, là, c'est Rani Yon. Et Shahid, Yahani Shahid, Maman la Shahid. Ce qui nous intéresse dans le texte. Voyez, la partie voulue du texte. Donc c'est Rani Yon. Rani Yon, ou là, c'est lui le Na'at, le Sifa, comme on a dit. Voyez, et le Sifa de Tajir. Voyez, Abbas, c'est un commerçant riche. C'est Tajir qui est Khabar. Non, c'est ça le de la phrase. Et Raniyoun, c'est un. Il vient compléter, il décrit Tajir. Voyez. Donc, comme on a dit, le Sifa, ou ce qu'on appelle aussi le Na'at, il suit le Mansouf. Le Mansouf, c'est le nom qui est décrit dans toutes ces situations, c'est-à-dire, il prend la même Irab que lui. S'il est Mansouf, il sera Mansouf. S'il est Mansouf, il sera Mansouf aussi. S'il est Majrour, il sera Majrour. S'il est Ma'alifa, il sera Ma'alifa. S'il est Nakira, il sera Nakira. C'est le Muzakar, c'est le Muzakar. Et c'est le Mouannas, c'est le Mouannas. Donc là, en Iyoun, il suit Tahajir. Dans tout, il le suit. Il est pareil que lui. Voyez? Sauf que lui, c'est le Sifa. Il sera. Tu parles de Tahajir par rapport à Abbas? Non, je parle de Rani par rapport à Tahajir. Mansoub, c'est quoi C'est quand tu prends une Fatha, non. C'est quoi les mots de vocabulaire? Hein? Là, ça laisse pour l'instant, c'est juste pour toi tu comprennes. Ah. Toi, juste sache, Raniyoun, c'est un Sifa, un Na'at. Vous voyez, ça s'appelle Sifa ou Na'at. Comme Asma ou Sifat. Vous n'avez pas pris ça avec. Oui, mais moi j'écris comme je l'entends, je ne sais pas vraiment. Sod, Fa, Tamar Bouton, Sifa. Ah ouais. Où c'est la Non, il n'y a pas de chedda, Sifa. Sifa, et t'as dit le deuxième, c'est Ou Na'at. On dit Sifa ou Na'at. Nun Aïn Ta. Ta. Naam. Na'at. Vous voyez ? Donc il le suit. Il suit le. Il suit le nom qui est devant lui, il le décrit, donc il le suit dans tous ses cas. Andi. Salam alaikum. Donc après, on a. Alhamdulillah. Yadikum fil hubalikum. Donc après, t'as Hamid Mudarrisun. Hamid, c'est le Mutada. Vous voyez, Mudarrisun, c'est le Khabar. Hamid Mudarrisun Jadidun. Vous voyez, donc là, le Shahid, c'est Jadidun. Jadid, il revient à qui? Non, c'est le Sifa de Mudarris, c'est-à-dire c'est le Mudarris qui est Jadid. Donc Jadid, il va prendre, il va suivre le kalimat Mudarris dans tous ses cas. Muzakkar, pareil que lui. Mufrad, pareil que lui. Marfou, pareil que lui. Nakira, pareil que lui. Et il vient après lui, pas avant. Ensuite il dit Ma hadha, hadha tufahun. Et tufahu. Fakihatun lazilatun. Donc là, at-tufah, c'est l'umtada. Fakihatun, c'est un fruit. Fakihatun, là, il est quoi? Il est khabar. Nam. Et laziza, il est sifa. Ou na'at. Et il est où le mansouf? C'est qui est décrit? Nam, c'est fakiha. Ça y est, donc là, regardez. Fakiha, il est marfou. Laziza, marfou. Fakiha, nakira. Laziza nakira. Fakiha mu'annas, femina, laziza mu'annas. Donc Fakiha, il est khabar ou manout. Ouais, mais tu dis khabar seulement. Vous voyez, tu dis khabar seulement. Ça, c'est juste pour toi que tu saches que c'est lui qui prend la sifa. Tu sais que c'est pas le Moutada qui l'a pris la sifa. Donc laziz, il est Na'at. Il s'accorde en tout. Il est Na'at et il est sifa, c'est tout. Hein? Na'at, non. Dans le dire là, tu veux dire sifa, sifa de Fakiha. Donc il va prendre toute son irlam. Il va prendre la même analyse grammaticale, sauf que tu ne vas pas dire c'est un khabar, tu vas dire c'est un sifa. Si. La ziza. Ouais. Parce que le khabar c'est fakiha. Ouais. Et la ziza c'est un sifa de fakiha. Ensuite il dit Ma zalika, zalika osfourun. Osfour c'est un moineau. Ma zalika ça on l'a pas encore vu grammaticalement. Si. Il se mustifa, ma zalika et sishara. Bisma hada, la même chose. Ma hada, hada, c'est le mubtada, tufa, c'est le khabar, et hada, ismu ishara, وتفاح وضع فيما تفاح خلاص خلاص وسا تقولا justement التفاح فاكهة لذيذة ولقي التفاح مبتدا لا juste هذا تفاح خلاص مبتدا هذا تفاح خبر خلاص يا غندوت يا غندوت كم انت تريد هذا مكتبون هذا مكتبون ما هذا ما سيكوا اسم تفهم ما لا نتشر ما يزال فونكسيون لا في خبر مقدم لذلك في لذلك في لذلك في مبتدا مؤخر خبر مقدم نعم طيب دونك نادي عصفور سي كوا سي اموانو طيب عصفور سانوانو اموانو يدي العصفور طائر صغير طيب طائر سادي اوزو دونك سادي كوا الموانو تا بيتيت اوزو Là, le chahid, il est où? Là. Non, moi, je suis pour le moineau. Al-Usfuru Tayrun Saghirun. T'as dit le poisson? Aïna le chahid? Saghirun. Saghirun, naam. C'est Saghirun qui nous intéresse. Saghir, c'est le sifa de? Le Tayr. Tayr, Ahsant. Donc, il le suit partout. Pareil, comme on a dit, Marfour comme lui. Voyez, Muzakar comme lui. Mufrad comme lui. Et Nakira comme lui. اللغة العربية اللغة العربية فن العربية لغة سهلة. طيب كيف متقول الشخص هذا الفازة؟ كيف الفازة؟ الدنيا. لغة سهلة. نعم. العربية مبتدا. نعم. لغة خبر. نعم. سهلة بس هي صفة. أحسنت. ensuite العربية لغة جميلة عندك يا عبد القادر؟ اللغة مبتدا. لا العربي العربية نعم العربية مبتدا اللغة خبر هي جميلة نعم mais si je veux me compliquer la vie je peux dire marfou faut pas compliquer la vie حتى même Allah l'a pas fait pourquoi tu veux le faire non mais là il y a que les follow on a fini les wafaa pourquoi tu veux compliquer la vie là je rentre pas dans ça là marfou Quoi donc Louratoun. Naam. Wa sahalatoun. Marfou. Naam. Wa alfa. Mathalane, t'as cool. Anna, fi, beytin, kabirin. Là, kabir, il récite pas de quoi? Beyt. Il va prendre la même erreur que lui. T'as dit, là tu vas dire, ra'aytu, beytan, kabiran. Kabiran, il va récite pas de quoi? Beytan. Et là, il n'y a pas de moudaf, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de moudaf. Mais tu peux venir avec des moudaf, moudaf, il y a aussi. Il y a un exemple. Un exemple? On va avoir plein d'exemples par là. T'inquiète pas. Un exemple. Le kalem. Kalem? Kalem, la kalem sabour, Arni. Studio du tableau. Mohamed, il veut faire des parcours compliqués. On va le donner par compact. Non, c'est juste pour. Je te mets tout, je te mets le nard, je te mets le FIFA, je te mets le ferry, je te mets tout. Tu vas-y, donne-moi. Et je te mets aucune harakat. Je te mets aucune harakat. Ouais, avec le truc qu'on a pris. Oui, la harakat est facile. Hein? Avec la harakat. Ah, la harakat est facile, moi je te mets toute la harakat. Et je te dis, donne-moi tout dans la phrase. Et je m'arrange pour te mettre tout le temps à la fin. Je te mets le ferry, je te le mets après le ferry, je te mets un temps que t'as jamais. Moi je dis, donne-moi le dialogue de cette phrase-là. Là, tu rentres dans la école de C'est toi qui veux. Je veux compliquer la vie, je te la complique la vie. طيب على ما جيت على الوقت طيب طالب العلم المجتهد ناجح Nadia, c'est-à-dire qu'il réussit. Nadia, Inch'Allah. Réussir. Qui réussit quoi? Hein? Talibul ilmi. Al-mujtahidu. Najihun. Najihun, c'est quoi? C'est réussir. Inch'Allah. Talibul ilmi, celui-là qui recherche la science. C'est ça? Aïe, al-mujtahid. Al-mujtahid. Mujtahid, il est. studieux. Naam. Najihun. Comment on va? Il est où Shahid? Mouchtahid. Mouchtahid. Tayyib. Eh? Mouchtahid. Il revient à quoi? Il vient à. Talab. Talab ou. Non, Allah. Tu fais de quoi? Talab ou l'Al. Donc alors on va dire Mouchtahidi alors? Ah ouais. Talab alors. Talib. Ah ben là, t'as raison, Talib. Il vient après Moudaf ah, Filet. Il revient à Talib. Et Talib, comme il est Moudaf, un Ma'rifa. Mais pourquoi là il est Ma'rifa? Il est là, il est. Parce que Talib, il est Moudaf, un Ma'rifa. Donc il est Ma'rifa. Non, je te parle de Mouchtahid. Mouchtahid, normalement, il n'est pas Nakira ici. Pourquoi il fait Nakira? Si je mets. Talib ou Mouchtahidoun? Oui. Khalas, t'as un Mouchtahidoun, t'as un rabat. T'as plus de sifa. Où ça? Si je t'enlève le alif ou l'aim, c'est-à-dire Talib ou l'aim, Mouchtahidoun. T'as un Mouchtahidoun, t'as un rabat. Je mets Mouchtahidoun, ça change tout le sens de la phrase. Donc t'as plus de Najim. Najim, il ne sert plus à rien. Ah, ok. Donc là. Oui, il peut être sifa de Mouchtahid. Donc là, il est badal en même temps alors. Là. Ma fille est badal ou non? Ah, t'es parti loin. Faut que tu reviennes. On n'a pas pris le badel là encore. Ah bon? Si, il est sifa. Toi tu m'as demandé pourquoi il est ma'alifa. Il n'y a rien à Talib. Talib il est ma'alifa ou Nakira? Il est ma'alifa. Pourquoi il est ma'alifa? Ben Talib. Il n'y a pas d'alif ou l'aim? Ouais, mais il est ma'alifa quand même. Pourquoi il est ma'alifa? Je sais pas comment t'expliquer, mais il est ma'alifa. C'est très facile. Parce qu'il est moudaf. Ouais, ben voilà. Et c'est tout? Tout moudaf est ma'alifa? Non, mais parce qu'il est. Il est, il y a le ilm là, il est ma'rifa, c'est pour ça. Ah là, parce qu'il est moudaf à ma'rifa. Si j'avais dit talibou ilmin, nakira. Talibou ilmin, kabirun, mesela. Kabirun, dakhal al masjid. Talibou ilmin, kabirun, dakhal al masjid. La kabirun, il y a qui? Allô? Il y avait à qui? Talib, parce que là il est moudaf à Nakira. Donc il est Nakira. Et là il est moudaf à Ma'rifa. Donc il est Ma'rifa. Donc Mouchtahid, c'est une sifa de Talib. Voyez? Mais des exemples, on aura d'autres, Inch'Allah, au fur et à mesure. Donc là, il est Jumla tout Moufida ici. Là, c'est Jumla Moufida. Et ma fille est fière. Jumla Moufida, c'est pas obligatoire que t'es un fière. Tu peux avoir une mouvement fida sans fier et tu peux avoir une mouvement fida avec des fiers. Ça va venir après, Inch'Allah. Comme je disais au frère, c'est la. Wa alaykoum salam. C'est la Jumla Ismiya ou Fialiya? Ouais, bah Ismiya, c'est quoi la différence entre Ismiya? Ça, c'est notre dernier. Taïeb, Inch'Allah. Donc, attends, j'ai perdu la page. Taïeb, Ammarun talibun mustahidun. Wa Mahmoudun talibun kaflanu. Ammaroun, là il est quoi? Mubtada. Taliboun, khabar. Mouchtahidoun, sifa. Taïeb. Et là les sifa de Talib. Wa Mahmoudoun, Mouchtahidoun, on a dit, c'est-à-dire studieux. Taïeb. Assidu, sérieux. Wa Mahmoudoun, Taliboun, Kaflanou. Kaflanou, c'est l'axe de Mouchtahid. C'est paresseux. Fainéant. Cancre. Et attention, on dit Kaflanou, nous, il n'y a pas de tanouine. C'est mollet prête pas de tanouine. Ça va venir, Inch'Allah. Ensuite, il dit Man Anta. La réponse qui es-tu? Un Talibun. Je suis un étudiant. Eh, Anta Talibun Jadidun. Es-tu un étudiant nouveau? Naam, un Talibun Jadidun. Oui, je suis un nouvel étudiant. Donc là, il est où Shahid dans Anta Talibun Jadidun? En al Shahid? Shahid Jadid. Naam. Sifa de? Talib. Naam, Ahsan. Naam, Anta Talibun Jadidun. En al Shahid, ya Abdul Qadir? Naam. Sifa? Talib. Talib, Ahsan. Tayyib. Il dit Ikra Waktub. Afwan. Naam. Anta, le A c'est Harfu, c'est Naam. Hamzat al Istifham. Hamza, نعم فقط c'est un harf et les harfs ils sont pas dialogues. tu dis harf kaza, خلاص après tu marches. Anta fi mubtada. Naam. Wa talibun khabar jadidun sifa. Naam, c'est harf. Ah. Et شوف, naam naam harf jawab. Iqra wa aktub. Iqra al الجمله الاولى يا عبد القادر محمد طالب قديم نعم انا شاهد قادم نعم احسنت الجمله الثانيه عندك محمد اذلك الرجل مدرس جديد لا هو طبيب جديد نعم ما يعني الرجل رجل اذلك الرجل مدرس برجل سي خبر اذلك الرجل لا سي مبتدا مؤخر ما شاء الله زيد زيد اتو رجل allez rajoute ذلك ذلك في خبر ذلك في خبر مقدم يا pas de خبر مقدم يا pas de مؤخر ايوا toujours est à sa place الحمد لله donc رجل c'est مبتدا c'est خبر comment خبر اللي معرفه non moi je sais qui c'est. C'est pour ça que je demande à Mohamed. Parce que Mohamed, il m'a dit qu'il savait, mais je me rends compte en fait qu'il ne sait pas. Ou qu'il a oublié. Il ne fait pas attention. Donc c'est un badal alors. Ahsan. C'est ça, c'est un badal. Pourquoi? Parce qu'il vient à Khalif Olem, après à Ismichara. Donc c'est sept hommes. Ça c'est d'ailleurs d'hier, quand tu n'étais pas là, mais tu m'as dit que tu savais déjà, donc j'ai voulu tester. C'est-à-dire remarquer le piège ou pas. Alhamdoulilah, ça va. Tayyib. Azalika rajulu mudarrisun. Donc mudarrisun, il est Aywa. Jadidun. Sifa de mudarris. Naam. Donc azalika, il y a quoi? Mubtada. Mubtada. La huwa tabibun jadidun. Huwa, c'est le mubtada. Tabibun, khabar. Jadidun sifa. طيب الجملة الثالثة عندك يا عبد القادر هذا الدرس سهل c'est un cours facile. نعم تفضل انا الشاهد سهل صفة من درس نعم رابعا بلال مهندس لا بلال مهندس لا الخامس الجملة قبلها لا فضله عباس تاجر شهير نعم أين الشاهد شاهد في شهير شهير شهير فجأة كوني سيلبر كوني سيلبر نعم كما دي معروف ouais mais c'est plus شهير c'est plus que معروف mais c'est un mot radif c'est un synonyme. طيب خامسا خامس c'est moi ouais je crois بلال مهندس كبير نعم كبير نعم صفة de نعم سادس خامس اللغة نعم الإنجليزية الإنجليزية لغة صعبة L'anglais est une langue dure. Pour ça, je suis pas. Pas dur l'anglais. Pas dur l'anglais. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de gens apprennent et la parlent aussi. Elle est pas dure. Elle est pas dure. Ena Shahid. Sabatun. Tayeb Souel, quel est le jugement quand on fait d'apprendre la langue anglaise? Le jugement. Tu sais pas? Le musulman il a le droit d'apprendre anglais ou pas? De l'apprendre ou même de l'enseigner, je dirais. C'est quoi le jugement déjà? Non, je pense pas. Hein? En fait, c'est un tofsil. Tofsil est d'arora. Alors, en fait, à la base, apprendre les langues des autres pays, c'est un fard qui faille. C'est une obligation commune. Tu vois? Et c'est pas obligatoire à tout le monde. Ouais. Et comme Shir Yahya disait, ou Shir Abouham disait, qu'en fait, ça c'est un truc qui revient au gouverneur. Le gouverneur, il choisit un groupe de gens spécifiques qui apprennent les langues étrangères pour les relations avec l'étranger ou des choses comme ça. Vous voyez ? Et eux, c'est obligatoire pour eux. En dehors de ça, c'est tout. Nous, on n'a pas ouvert une école, on enseigne le français, l'anglais, aux gens comme ça, ça, non, ça c'est pas permis. Parce que les Moussim, ils vont apprendre quoi ? Leur religion, la langue arabe. Ils ne maîtrisent pas l'arabe, ils vont apprendre voiturné. Tu vois ce que ça veut dire, par exemple. Et tu lui dis, tu lui dis par exemple, Azakalamoun, tu lui dis, c'est quoi ? Il dit, je ne sais pas. Et tu vas apprendre l'anglais, tu lui dis, non, commence par ça. Et la langue arabe, ça prendra toute ta vie de l'apprendre. Tu vas faire toute ta vie, tu ne parleras jamais comme un sahabi. Tu vois ? Et souvent, ces langues-là amènent à quoi ? À aimer ces gens-là. Parce que pourquoi ? Pour l'appliquer cette langue-là, alors tu parles avec eux. Tu lis leurs livres. Et c'est pas Al-Bukhari que tu vas lire en français, je pense pas, tu vois. Peut-être que tu vas lire, je sais pas comme quel livre, les livres des grands écrivains français, des koufars, des philosophes, des gens déviés. Et ça t'amène à quoi ? Vouloir aller chez eux. C'est un moyen qui amène à leur amour. Tu vois ? C'est un moyen qui amène à... Par exemple, tant que tu vas à parler la langue arabe, plus tu vas la parler, plus ça aura une influence sur ton comportement. La langue que tu parles a une influence sur ton comportement. Par exemple, nous, on constate, quand on est entre les frères de France, on parle en français, on peut déraper. Tu vois, on parle des sujets, on emploie des mots, des termes, des expressions, elles ne sont pas bonnes, tu vois. Des fois, ça revient en nous. Malgré nous, tu vois. Après, s'il y a un frère, machallah, tu fais un rappel, mais ça revient. C'est un truc qu'on a grandi là-dedans. Des choses qu'on a vécues qui ne sont pas. Il faut combattre, tu vois. C'est un ijtihad. La langue arabe, tu l'as apprise comment ? Par le dîn, par le sujet important. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu vois ? Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu connais pas beaucoup d'insultes, par exemple. Tu vois ? Et tu vas pas parler avec n'importe qui non plus. Tu vois, généralement, j'ai parlé avec un frère, ou un frère américain, ou un frère yéménite, ou un frère qui n'est pas français. Et là, tu vas faire un effort sur toi. Ça veut dire que ça va t'amener à quoi ? Améliorer ton comportement. Tu vois, ça joue. Ça joue. Et souvent, c'est une choubouette des gens qui disent, quand une fois je marchais, par exemple, t'en as même dit, je disais un livre en français. Il vient me voir, c'est une traduction, tu vois, qu'après, là, je disais. Il me dit, ouais, il me dit quoi ? Il me dit, c'est qui le traducteur en anglais de ce livre ? Il n'a même pas dit salam alaykoum. Direct, il a vu le livre, il a vu des lettres latines. Oh, c'est qui a traduit en anglais ? Je le regarde, je suis salam alaykoum déjà, tu vois. Alaykoum salam. Après, il me dit, ouais, qui c'est le traducteur en anglais et tout ? Je te dis, qui te dit que c'est de l'anglais ? Qui dit que c'est pas du russe ? Indonésien. Et là, il me regarde, il ne sait plus quoi dire. Un émilitable. Je lui dis, c'est pas toutes les lettres latines, il n'y a pas que l'anglais et l'arabe dans le monde, il y a d'autres langues, je lui dis comme ça. Eux, c'est anglais direct. Dès qu'ils voient A, B, C, D, c'est anglais tout de suite. Donc je lui dis, c'est pas de l'anglais. Il me dit, ah bon ? Il me dit, c'est quoi alors ? Je fais des français. Il fait, oh, machallah et tout, là. Il fait, moi, je vais apprendre l'anglais. Voilà, pourquoi tu vas apprendre l'anglais ? Il fait, c'est pour traduire des trucs, kaza, kaza, kaza. Je fais, laisse, on va s'en occuper, nous, Inch'Allah. Il y a plein de frères anglais qui ont la langue arabe et l'anglais. T'as plein de français qui ont les deux langues. Toi, repose-toi, tu vois. Il dit non, mais moi je veux parce que pour la médecine, tout comme ça, je suis. Ah, donc c'est d'où vient alors ? Il dit non, c'est pas ça, c'est parce que t'as vu, moi je suis enseignant dans une école et pour apprendre des choses. Donc je lui dis, c'est d'où vient alors ? C'est bien ce que je dis. Après, il me dit, non, mais il faut faire dawa à ces gens-là. Je suis d'où on est là ? Tu vois ? Toi, t'es humilié, tu vas aller en France. Nous, on fuit de la France, tu veux y aller. Je lui dis, non, je vais aller avec toi comme ça. À ta marque. Je suis toi, tu vas tout seul, moi je vais pas avec toi, je me dis. Moi je connais la France, toi tu connais pas la France. Eux ils réalisent pas c'est quoi ces pays. Ils réalisent pas c'est quoi ces pays. Tu vois, ils entendent certaines choses, mais le vécu des koufars en France qu'on vit, nous les frères en France, ils le réalisent pas. Tu vois, ils le réalisent pas. Je dis, si tu vas là-bas, tu réalises dans quoi tu vas, c'est où tu vas devenir comme eux, ce que je ne souhaite pas, ou tu vas venir en courant. Si vraiment t'es salafi, tu es salafi, tu vas vraiment, tu crains Allah, tu vas pas rester là-bas. Et je lui dis, pour faire dawa, il faut de la science. Déjà, les musulmans, ils sont égarés, commence par les musulmans. Ah oui, commence par ton pays. Tu vois, non, c'est bien, c'est de content, tu vois. Dans ta darwa, t'as déjà un khalal, t'as déjà une déficience, que tu dis, tu veux faire darwa, apprendre l'anglais, faire darwa chez les koufs. Parce que, qui, je lui dis, qui c'est qui va dans les pays de koufs ? Il dit, ouais, mais faut appeler les gens dans les pays de koufs. Je suis nain, mais qui les appelle ? Les ulama. Tu vois, les ulama qui vont dans les pays de koufs pour appeler les koufs. C'est pas à quelqu'un comme nous qui y va comme ça. Faut de la science, faut avoir de la taqwa, faut avoir des armes pour affronter ces gens-là. Je lui dis, toi, t'as pas ça. Pas dans pour le dénigrer, tu vois. T'as comprendre que toi, moi. Qu'on était composé son pied qui a remonté dans la mer. Ah, non, j'avoue. Je sais plus comment, en tout cas. Il y a des animaux qui sont descendus, je sais plus qui c'est. Il a vu tu sais, les voitures avec les trucs publicitaires dessus, là. Ouais. Il est descendu, il a vu, il est remonté. Ah, bah ça. Chariah, il est en Angleterre. Chariah Mobile était aux États-Unis. Mais lui, Chariah Mobile était aux États-Unis pour le foie, médico. tu vois, il était là-bas, il disait, Auzubillah, ils l'ont dit, il a préféré mourir et rentrer en Saoudi que tarder là-bas, parce qu'il n'est pas garanti que, ça, que le soin allait être efficace. Et il a dit, c'est quoi ce pays de fou, on peut même pas faire une calme de carte, tu peux rien faire. C'est un raz de marée. Tu vois, il a voulu repartir. Tu vois, il chame Yahya de partir d'Angleterre. Et il a vu l'Angleterre de ses yeux. Il a dit, c'est un pays, il faut aller là-bas, il faut partir d'Angleterre. D'ailleurs, il dit aujourd'hui, ouais, non, l'Angleterre, c'est mieux que la France, on pourrait y aller pour la Jura. Tu vois, on a un savant qui était là-bas qui a vu l'Angleterre. Tu vois, il dit, l'Angleterre, c'est un pays de couf, tu peux pas y rester. T'as pas le droit d'y rester. Donc, c'est du boîte, les gens, ils ont, je vais d'abord en Angleterre, c'est mieux. Ils prennent quoi la chouboîte des Sahaba qui ont été en Habasha au début. Tu vois. Et ça, c'est pas une chouboîte, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Habasha, il n'y avait pas de terre d'islam. Il n'y avait que des pays de couf. Donc, ils ont pris le pays de couf le moins pire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pays d'islam. Tu vois, pourquoi tu es en Angleterre? C'est pour l'argent, en fait, qu'ils veulent là-bas. C'est pour le mode de vie, c'est tout. Habasha, c'est l'Éthiopie, non? Aujourd'hui, c'est un pays de couf, toujours. L'Éthiopie, c'est un pays de couf, non? Ah ouais? Là, c'est un pays chrétien. Le gouvernement, c'est les koufars, et le peuple, c'est les musulmans. Ça n'a pas changé. Hein? Ça n'a pas changé. On va dire, le peuple, ils sont musulmans, mais le gouvernement, c'est un gouvernement de koufars. Tu peux mettre un islam là-bas, tabahaban, mais c'est pas une terre d'islam. C'est pas une terre d'islam. Shayahed, il dit encore quelques temps, Habasha, c'est pas une terre d'islam. C'est une terre fausse, c'est les chrétiens encore, les gouverneurs. Mais le peuple, il y a beaucoup de musulmans, ils sont très nombreux, et ton islam, tu fais normal. Mais c'est pas une terre d'islam, tu vois. Ça peut être un islam selon les conditions. Donc pour te dire, donc ils disent quoi comme je suis boîte, on va aller en Angleterre. C'est moins pire que la France. Il y a des savants qui disent que là-bas. Ouais, mais ces savants-là, ils ont tort. Et avec ces fatwas-là, bah, et les frères qui ont le cœur malade et qui veulent pas trop faire Aïja, allez, je vais en Angleterre. Il n'y a pas le cœur malade, il sait très bien. Hein? On va chercher là, il sait très bien. Ah, la ayat, elle est claire, les pays musulmans. Ah, mais elle est claire là, t'as Allah lui-même, ils disent j'ai une main. Et Allah, ils disent non, il n'a pas de main. Non. Mais ça, mais c'est des gens qui savent comment ça se passe. Non, ils savent pas. Ils se prétendent fous. À la paye, à la fin du mois, il sait la compter, au centime près. Oui. Il sait pas lire Allah, il a une main. C'est pas ça, c'est ça. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils savent. C'est des gens qui ont une faiblesse. Il fait l'abruti en fait. Ils ont une faiblesse dans le tawakkul. C'est-à-dire, ils disent, en fait, l'islam, c'est pauvre. Et en Angleterre, il y a de l'argent. Non, lui, c'est pas le cas là. Il fait l'autruche, lui, c'est tout. Hein, voilà, il fait l'autruche. Comme on dit. Tu peux pas, tu peux mentir à toi-même, mais tu sais qu'Allah, il sait ce que t'as dans le cœur. Donc. Quand il dit je suis en Angleterre et puis tu t'as jeté au milieu des koufars, tu vois, tu dis Harry, tu te sens rentrer à l'islam, tu te sens appuyer et faire ton islam, vraiment. Même, par exemple, il parle de quoi? De la Maktaba Salafia qui est là-bas, à la Benigjam, c'est là où Robin il a fait quand même pas toi. Il y a une église en face, Harry. Il y a une grosse église en face. Il y a la Gay Pride qui passe à une demi-heure du lieu. Ils ont un terrain de foot à côté, les frères m'ont raconté, ils ont un terrain de foot avec leur club de foot. Quand les frères passent, ils insultent, ils leur crachent dessus. Et déjà, tu dis, il va faire l'agir là-bas. Alors que même, on va dire, comme je disais, au pire, Harry, tu peux pas aller dans un terrain d'islam, vraiment, t'as vraiment un problème. C'est des pays d'Afrique, tu peux faire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est des pays de couf. Là-bas, les frères m'ont dit, tu peux faire ton islam quand même. Et la Zen, et les mosquées, tu peux faire ton islam comme tu veux. Tu seras pas. Non, mais pour te dire, si tu es vraiment sincère, quelqu'un qui dit vraiment, je peux pas aller dans un terrain d'islam, et bien dans le pays de couf, le meilleur. C'est grave de dire ça. Tu vois? C'est grave de dire ça déjà. Tu vois? Même quand il peut pas, faire c'est un empêchement. Tu peux trouver des cas spéciaux. Genre, un par exemple qui se surveillance, qui a fait des crimes, par exemple, la France veut pas qu'il parte. T'as des cas comme ça, mais c'est vraiment rare, c'est rare, tu vois, c'est très rare. Ouais, mais ça, si ça, ils disent pas terre d'islam ou quoi que ce soit, ça, tu quittes pas le pays, t'as pas le droit. Ouais, mais si tu dis je vais au Cameroun, ils vont pas t'en empêcher. Par contre, tu as dit je vais en Arabie Saoudite, je vais au Yémen, alors là, tu vois, ils vont. Même au Cameroun, ils vont envoyer le GIE de. Hein? Tu bouges pas du pays où t'es. C'est un exemple, t'as des cas, des gens, ils peuvent pas partir de la France. Voilà. Mais c'est des cas rares, tu vois, c'est des cas rares. Prenons ce cas rare là. Tu vois, où il peut pas aller dans l'état d'islam vraiment, je peux pas aller en Asie comme en Arabie Saoudite ou au Yémen, pays comme ça. Ou il a un problème de soi qu'il n'y a pas dans ce pays-là. Tu dis au minimum, cherche un pays de couf où tu peux faire de l'islam ta main à main, qu'il soit pauvre ou riche. Et tu as des pays de couf, comme chez les pays d'Afrique par exemple, et les frères m'ont dit, là-bas, ton islam, tu peux le faire normal. Bien sûr, tu auras des koufars devant toi, tu auras des péchés. Mais en tout cas, tu as la veine, tu peux prendre ton kamis. Tu peux faire une école salafie, on va pas t'en empêcher. C'est des gens qui ont fait des trucs de ouf, avec des combines de ouf. Il y en a qui sont venus rien qu'à des mecs, ils sont passés par des trucs de malade quand tu veux vraiment quelque chose. Je crois que tu peux pas passer dans un pays, repasser dans l'autre et repartir. Il y en a, si vraiment t'as envie, tu peux. Ah, après c'est un tawakkul, tu vois. Ça, c'est une force d'hymen, une force de tawakkul, tu vois. C'est une force d'hymen, tawakkul. Et t'as la belle aïm, c'est les choses qui aident à renforcer ces choses-là, tu vois. T'as des gens par exemple, actuellement, comme on sait, par son des matchs, des ignorants, ils verraient lieu, ils se demanderaient, ils disent, comment j'ai osé parler sur cela? Ouais. Comment j'ai osé faire ça, tu vois? Ils savent pas. Ça, ces gens-là, ils savent pas. Ils savent, ouais. Et ça, c'est l'ignorance qui fait ça. Ouais. Tu vois? Et pareil, t'en as, ils sont en... Non, quand tu parles avec lui, je parle avec des gens, moi, quand tu parles avec lui, il te dit en général, et tu lui expliques comme ça, tu laisses parler. Il te dit en général, ouais, faut t'en parler d'une chose que tu connais pas. Ok, deux secondes après, tu parles de domaine, il parle de domaine. Il dit juste avant, tu me dis, dans toute date du mien, faut pas parler de ce que tu connais pas, et sur domaine, je sais pas. Ah ouais, mais voilà, tu vois. T'en as qui jouent aussi, t'en as beaucoup qui jouent, tu vois. Mais t'en as aussi qui savent pas, t'en as, ils ont pris des. T'en as, ils ont pris des ambiguïtés et ils savent pas. Tu vois. T'en as, ils ont pris des ambiguïtés, ils savent pas. L'entourage, tout le monde dit ça, donc eux ils s'imaginent que c'est la vérité. Voilà. En plus, ils ont des anciens d'ici qui reviennent, au cœur malade des morts toutes, qui leur parlent, donc eux ils y croient. Oh, c'est comme ça des mèches. Oh, ils se bagattent toute la journée ils se disent la canne. Ah, je veux pas y aller, il a peur. Et s'ils venaient ici, comme ça, il y avait des frères, on leur a mis des mises en garde, ils sont arrivés, ils ont dit, mais on m'a dit n'importe quoi sur des mèches. Tout ce qu'on m'a dit, je le vois pas en mal. Tu vois, ces gens-là, ils m'ont menti. Ils m'ont trompé. Sur internet, il y a les rats de circuit. Ouais, en chinois, en anglais. Hein. Ouais. Il peut des promos de Carrefour, il va directement à Carrefour. Non, attends, c'est... Voilà. Les promotions qu'il y a à Carrefour. Il va direct. Tu vois. Et ça, c'est à cause de quoi ? On a menti à des potes en Algérie. En fait, les gens, ils ont été sur internet. Sur ouais, ils ont regardé. Tout le monde va sur internet aujourd'hui. Ouais, mais internet. Ça, je regarde, t'as inversé. Alors, il y a cool. Il y a Ayolani Amano, une tête à Allah. Et déjà la coupe pour quand même. Si tu crains Allah, tu donnes le discernement. Donc le fait d'être en France déjà, tu en es marafi, c'est pas une cause pour qu'Allah donne le discernement. Tu vois. C'est pas une cause. Ah, mais il y en a aussi des détails. Hein, mais... Ouais, t'as mal. Non, parfois, c'est pas catégorique, tu vois. De façon générale, t'as toujours des frères de khair, des frères de bien, même des frères qui sont là, actuellement en France, ils veulent. Et après, on va là qu'il est facilité, tu vois, pour partir. Et mais la plupart, en général, on va dire, mais les premières causes, en fait, ils sont là-bas. Tu vois. La première chose qui reste là-bas, travaille l'argent dans les banques, travaille dans la mixité, plein de boucha à la FAP, parce qu'en France, t'es obligé, tu peux pas. C'est l'argent, c'est la doujia qui fait ça en fait. La peur de quitter la France, c'est la peur de quoi ? Comme Charles Albani dit, c'est qu'ils se disent que dans le pays d'Islam, ils trouveront pas le confort qu'ils avaient en France, donc ils ont peur de lâcher ça. Mais tu sais que déjà, même quand tu fais l'effort de partir, tu parles avec des gens vraiment, ils voulaient pas m'aider. Et tu parles avec des gens, ça veut dire que, tu vois, le hadith, quand j'ai ouvert Aba al-Nawawi, je suis tombé sur le premier truc. En fait. Même si après quelqu'un il combat ça, et il va en pays musulman, en sachant qu'il a sa subsistance, c'est-à-dire que la niée, elle est pas pour Allah et son matin, tu vas parce que t'as eu une ouverture sur la bah, par exemple, demain tu dis, ouais, j'ai en Saoudi, j'ai un bon pot pour t'ingénieur. Voilà, et là j'y vais en Saoudi. Bah. C'est pas pareil que là, c'est pas légère. Hein. Tu vois, donc là, mais c'est. Là, c'est une niée de Dunia, voilà. Tu vois. Tu vas en pays, par exemple, pour Saoudi, parce que t'as si t'avais pas proposé un truc. J'irais pas. Ah non. Mon frère, c'est pas vraiment au Nigeria, tu vois. Ou c'est le comme déjà les faibles. On dit, t'es fou, tu m'as dit comment. J'ai des gens, il y a des frères de France, il y a des frères de tout le monde. Peut-être tu peux leur dire, il y a des mecs, personne n'est mort de faim. C'est pas. Tu vois. Alhamdulillah. Allez, on continue. C'était un bel tembi par rapport à la langue anglaise. On s'est arrêté, Tayyib. Après, on a dit quoi? Anta rajulun ghaniyun. Est-ce que tu es un homme riche? Tiens. Est-ce que tu es un homme riche? Regarde. Anta rajulun ghaniyun. Ana shahid. Ghaniyun. Non, sifa de rajul. La ana rajulun faqirun. La ana rajulun faqirun. Ana shahid. Ayo. Faqirun. Naam. القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة في الكيع. عندك محمد؟ القاهرة مدينة كبيرة. صفة. صفة. دو. مدينة نعم. أنت مدرس قديم؟ عندك ولد قديم استفهام مدرس نعم مدرس لا انا مدرس جديد نو je suis un enseignant voilà ça un nouvel enseignant يوسف جديد صار الجاي جديد نعم طيب أحابد طالب كسلان صفة بفا شاهد صفة تدي تبي كفن شاهد لطالب صفة دي طيب لا هو طالب مجتهد شاهد مجتهد Non. On dit Sifato Min. Alors. Tu dis Sifat Talib. Vous devez vous faire la Sifat de Talib. Sifatou Talib. Ah, tu peux dire Sifat Min Talib. Min Kalimat Talib. Pourquoi tu mets un Sukun? Hein? Pourquoi tu mets un Sukun? Redis. Non, parce que tu t'arrêtes, ça dit Talib, ça passe Talib ou Talib ou Talib. Non, non, le premier, Sifatoun, Min Talib, ou Sifatou Talib. Sifatou Talib. Ah ouais, Moudaf, vous devez filer. Non, tu dis Sifatoun, Min Talib. Min Kalimat Talib, non. Ah, d'accord. Vous voyez. Dans ces phrases-là, à vous de mettre un art ou une Sifa. Nart, Sifa, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est juste un mot différent, c'est le même. Nun, Aïn, Ta. Fatha, après, Sukun, Naat. Il est écrit au-dessus, il est écrit au-dessus. Donc on met juste un mot qui correspond aux phrases qui viennent. Vous voyez ? Parce que, Inch'Allah, l'Ibad Radin, Radin va faire un harif. Je suis le garde demain. Vous voyez ? Ça dort, fil mekan el khali, fil jubal atiya, man outen munasaban. Le man'out, c'est celui qui reçoit la sifa, le mot souf. Donc maintenant, vous avez le sifa, à vous de trouver le man'out. D'ailleurs, ikra, il dit, kaslanu, c'est fainéant. Jou'anu, c'est avoir faim. Atchanu, c'est avoir soif. Rodbanu, énervé, être en colère. Mel'anu, c'est rempli. Tous ces mots-là, que tu vois comme ça, alif wa nun à la fin, qui sont des sifa, il ne prête pas de tanwin. Vous voyez ? Pourquoi ? Ça va venir après, Inch'Allah. Il y a des règles. Pour l'instant, sache que les mots que tu vois pour cette apparence-là, ils ne prennent pas le tanwin. Tu dis pas kaslanoun. Tu dis kaslanou. Vous voyez ? Kaslanou. Ça, c'est la même règle que les noms féminins. Aïcha, Fatima. C'est dans le même chapitre. Ça va venir, Inch'Allah. Remplir. Rempli. Nam. Malien, Mal'an, c'est le même sens. Malien ou Mal'an, c'est pareil. C'est bon ça, Malien ? Ah oui, Malien, rempli. Non. C'est des exemples. Ana, jou'anu. A'anta, jou'anu. La, ana, rochanu. Est-ce que tu as faim ? Non, j'ai soif. Lima, azal, mudarifu, rodbanu, lium. Pourquoi l'enseignant est en colère aujourd'hui ? Ou est énervé ? Al-koub, Mal'an. Le verre est rempli. Malian, Mim, La, Lam, Ya, Alif, Nun. Malian. Malian. Al-Kalimat ou Al-Jadida. On prend un nouveau mot après on a fini, Inch'Allah. Plein, rempli. Hein? Plein, rempli. Non. Al-Lura. Al-Lura, c'est la langue. Vous voyez? Al-Ta'ir. Al-Ta'ir, c'est l'oiseau. Jou'an, c'est avoir faim, être affamé. Radban, comme on a dit, c'est être énervé, être en colère. Shahir, c'est être connu, célèbre. Al-Yom, c'est la journée, le jour. Non, le jour, c'est plutôt Al-Nahar. Al-Yom, c'est la journée. Al-Quoi ? Al-Yom ? Non, la journée. C'est peut-être aussi le jour ? Ouais. Les jours, pour dire le jour. La journée, quoi. Non. Non, le jour, comme je dis, lundi, c'est un jour. Voilà, par exemple. Mais si tu veux dire du lever du soleil au Maghreb, c'est Nahr, Nahr. Antiam, c'est être assoiffé, avoir soif. El Osfour, c'est le moineau. El Medina, à la base, El Medina, c'est une ville. Vous voyez ? Medina, c'est une ville. Mais c'est aussi le nom de la ville du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. El Medina, el Nabawiyah, comme on a dit. Wa alaykum salam. Kaflan, c'est fainéant. Mel'an, c'est rempli, plein. Ou El Yoma, quand tu vois El Yoma avec le Fatha, c'est aujourd'hui. Ah, c'est pas le même. L'autre, c'est comment là ? L'autre, c'est la journée. Comment ils pensent ? C'est pareil, ils pensent pareil. Donc, si tu mets une fatha à la fin, là, ça devient quoi ? Un zorf zemen. Ça devient un zorf zemen. Ça devient un. Al-Yawma, aujourd'hui. Aïwa, Al-Yawma, ça veut dire aujourd'hui. Il ne faut pas dire Al-Yawma. Il faut dire main. Hein ? Si tu t'arrêtes, tu dis Al-Yawma. Par exemple ? Tu dis pas Al-Yawma. Al-Yawma, ma fidèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi. Hein? Ma fille def el yom, pareil, pas de def aujourd'hui. Dans la phrase, tu comprends. D'accord, tu comprends, tu dis pas la fatha. Dans la phrase, tu comprends. Tu veux le dire, tu le dis. mais dans la phrase on comprend si tu veux dire aujourd'hui ou un jour comme ça. Oui, mais je veux dire, tu ne prononces pas la fatha. C'est pas interdit. C'est vrai que les Arabes s'arrêtent sur un mot sakin. Voilà, mais si tu dis Elioba, personne ne va te dire que de blâme. Si tu dis Liam, dans la phrase, c'est compris que c'est aujourd'hui. On comprend que c'est aujourd'hui. Dans ta phrase, on comprend ce que tu veux dire. Bah, faut, donc aujourd'hui, on a pris quoi ? As-Sifa. Donc on a dit que le Sifa, il suit le bon souffle dans tout, dans son. Si le Mouzaka, c'est Mouzaka. Si le Mouanef, c'est Mouanef. Si le Moufrad, c'est Moufrad. Si le Malifa, c'est Malifa. Si le Nakara, c'est Nakara. C'est Kouboul, c'est ça ? Koub, non. Al, Astatea, Nakul, Hazal, Koubou, Maksouroud. Non. Mafoum ? Faïla, Huna. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.